vis en marge, man, c'est vrai, j'ai même plus envie de m'insérer dans la rage. J'ai m'insérer à force de voir les miens serrés, je me défonce. Open pour un freestyle, mais je vis à l'écart, cherche pas de réponse dans une boule de cristal. Vous vis à des cartes, j'ai compris que la thune pue. Pardon si je vous calcule plus, je vois s'envoler mes lacunes. C'est dur quand on a qu'une plume, j'évacue, je fume. J'ai l'impression que je fais plus que ça. Je sais que ça mène nulle part, on appelle ça l'effet cul-de-sac. Je suis comme toi, je crois plus en la politique ni ses romans. J'espère finir, puis rejoindre les cieux si c'est le moment. Je fais pas le pitre. Des fois je flippe, mon cœur palpite, je vais partir et je sais qu'il n'y a que Dieu qui sait comment. Je peux pas donner raison à ceux qui aimeraient que je me vautre nom. Chacun de mes textes vient du cœur, façon je sais pas faire autrement. Les médias ne changeront pas, ils diront toujours que de notre manche. Je m'en fous, je travaille pas, il n'a pas de travail et fait proprement. Quoi dire d'autre? J'écris tout ça, laisse débrouiller. Nous sommes parqués dans des blocs comme si on savait s'y débrouiller. Je te dis ça et je dirais peut-être le contraire dans 6 mois. Y'a que les cons qui changent, pas la vie, soit intelligent, suis-moi. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou pour un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à ceux que t'aimes. Je dois le cul, n'attends pas que ton frère ou ta sœur t'aime. Si tu cours après l'âme sœur, c'est pour que tes lames sœurs tiennent. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à tous ceux que t'aimes. Dis-toi que j'ai appris à prendre le bonheur comme il vient. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou pour un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à ceux que t'aimes. Le jour où j'ai crié mon mal. Tous payer nos fautes et Dieu va fixer la note. J'ai peur, faut lâcher prise. À la limite de bâcher ce titre, j'peux dire que j'ai une choix entre faire du son ou embrasser le crime. Vous me croirez jamais si j'dis que ma foi s'est barrée. Sous le poids des années, j'ai vraiment compris que leur changement c'était de nous travestir, frère. J'ai couru à pleine vitesse, troqué une saison d'été pour une après-midi d'hiver. Torturé, j'ai retrouvé le sourire après une prière. Est-ce ma fille rappée, voir mes frères mourir à 26 berges. J'ferai péter la citerne, il faudra s'y faire comme les fêleurs. L'esprit de révolte contre la foudre, l'iceberg. Quitte à s'y perdre, j'gratterai jusqu'à ce qu'ils m'aiment. N'allez pas croire que je suis le genre à faire parler la poudre, l'iceberg. J'coule sous les deadlines entre eux, pris coup j'ai tête cramée. J'tape dans l'urgence, alors dites-vous que j'suis peut-être taré. Toujours un peu de travers. Pour me ressourcer, j'irai rejoindre les miens Waharan, Toulouse ou bien Betnarey. Trop de choses à dire pour un seul morceau logique. J'n'ai que la force des mots distillés selon ma morphologie. J'croule sous les deadlines, comme j'ai déjà dit. J'tape dans l'urgence, rien à foutre et nique sa mère tous vos pronostics. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à tous ceux que t'aimes. Bouge-toi le cul, n'attends pas que ton frère ou bien ta sœur t'aide. Si tu cours après l'âme sœur, prie pour que tes larmes sœurs tiennent. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou pour un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à ceux que t'aimes. J'ai crié mon mal. Pas tous payer nos fautes et Dieu va fixer la note. Trop de trucs à dire pour un seul texte ou un seul thème. C'est toujours quand tu les as perdus que tu penses à tous ceux qui. Dis-toi que j'ai appris à prendre le bonheur comme il vient. Comme il vient.